Bilan 2, page 173. Exercice 1. A. J'ai dit, j'ai dû. B. Je veux, je vais. C. La prof, le prof. D. Sert, sert. E. Euro, héros.